pied à trois fils, fils, fils. Serais-je perfidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Et merci d'être avec nous les 10h. Sport News. Et voici la première partie des Sport News. On commence par du football, bien sûr. Et ce dimanche, c'est samedi et dimanche, un cinquième tour de la Coupe de France au programme de belles rencontres. On commence par celle du samedi. Béthune reçoit Hannequin. Hazebrouck sera face à Dunkerque. Un beau derby, un beau duel nordiste. Et on va se souvenir également de beau derby entre Arc et Saint-Omer dans les années 80. Ce samedi, Arc eh bien, sera face à l'USSO. Trois divisions d'écart séparent les deux équipes. Mais bien sûr, en Coupe, tout est possible, pas de pression pour Florent Krebs, ancien joueur de Marois. Je vais l'aborder comme un match normal, je joue contre mes anciens coéquipiers, pas plus, pas moins. C'est un match de coupe, faudra le gagner. Tout est permis, on a pu voir par le passé dans la région qu'il y a eu des exploits, donc c'est à nous de le réaliser samedi. Alors, est-ce qu'on peut dire que Florian s'est bien adapté au club de Arc? Bon, ça, c'est une surprise pour nous que tu aies traversé la barrière. Bah, il fallait vite que je rebondisse. J'ai failli arrêter le foot. Et Christophe Rollet m'a appelé pour venir avec lui. Je suis allé faire 3-4 entraînements. Les joueurs ils m'ont très bien accueilli, le club aussi. Donc, je les en remercie. C'est tout à leur honneur et merci à eux. Bien intégré naturellement dans l'équipe de Arc. Est-ce qu'on peut revenir sur le début de ce championnat? Satisfait de ce championnat? Me satisfait, oui. On est une PHR, on est encore en Coupe de France. On a fait un nul contre Blériot chez nous, qui est un prétendant à la montée. On n'a pas pris de but et on est allé gagner à Outreau. Donc je pense qu'il faut voir ça avec le coach. Nous, on est là pour jouer. Lui, il est là pour nous faire avoir des résultats. Mais je pense qu'il sera d'accord avec moi comme quoi c'est un bon début de saison. Et voilà, ce sera également un beau match hein. Tout à l'heure au stade Saint-Alfred André, donc c'est à Arc. On se souvient naturellement où il y avait 2000-3000 personnes pour les derbies de Ducasse. Une rencontre sereine pour Stéphane Marquilly de l'ES Arc. Bah, je vais l'aborder sereinement. Après, la pression, nous on ne l'a pas. Sans pression, sans pression particulière pour un match? Non, de, sans de pression, après ça reste un match de Coupe de France. Donc comme on sait, il faut un vainqueur. Donc on donnera tout pour gagner ce match, et puis comme Flo l'a dit, on jouera avec le cœur. Comment on peut qualifier cette équipe par rapport à l'année dernière pour toi? Bah, cette équipe a pris de l'amplitude, on va dire, parce qu'on a un peu plus d'expérience que l'année dernière. avec l'arrivée de Toff Rollet et Flo Krebs également. Donc ils nous apportent beaucoup, même dans le jeu, dans la parole, dans le placement. Donc c'est des atouts, quoi. Le tirage face à Saint-Omer, c'était pour toi, c'était un bon tirage? Oui, ça reste un bon tirage, hein, même pour nous. Hein. C'est soit Saint-Omer ou un autre club. Nous, la Coupe de France, on la joue à fond, donc ce match-là, on va le jouer à fond. Les ambitions de Arc cette saison dans le championnat? Bah, nos ambitions, c'est quand même de rester dans les 6 premiers. Après, on va voir au fur et à mesure des résultats et au niveau de la saison. Voilà, donc une belle rencontre. On reviendra bien sûr sur l'événement demain, Arc Saint-Omer, 19h. Et puis, toujours en foot, à 11h, eh bien, nous parlerons du petit poussé. Rex Surem, il sera, et l'entraîneur sera avec nous. Et puis, demain, nous reviendrons également sur les autres rencontres du week-end. Du côté des filles, eh bien, toujours en coupe, l'équipe féminine de l'USSO va recevoir demain en Coupe de France Arc, et ce sera à 10h30, et vont recevoir Douai. En basket, en Pro A, eh bien, l'USSM s'est imposé hier soir face au Mans sur le score de 80 à 75. Le Portel eh bien, a rencontré sa première victoire de la saison, une victoire méritée. Le Portel n'a perdu que 9 balles et a signé 22 passes décisives. Un beau match donc hier soir dans le Chaudron. Et puis en levée de rideau, eh bien, victoire des espoirs du Portel 71-69. Le BCM eh bien, se déplace à Dijon, ce sera lundi. Gravine qui a signé lundi dernier eh bien, une courte victoire face à Paris-Levallois sur le score de 81-79. Aaron Sell eh bien, revient sur la petite victoire du BCM. C'est une victoire pas très belle, mais on la prend parce que c'est important pour nous, c'est important pour notre confiance. Après 2 défaites au Portel et à Toulon qui ont fait assez mal, il fallait absolument qu'on gagne aujourd'hui, donc c'est chose faite, même si la manière, comme je l'ai dit, n'y est pas trop. C'est le début de saison, on a encore beaucoup de travail, on le sait, un travail dur pour que ce soit mieux, surtout les deuxièmes mi-temps qui pour le moment sont pas du tout en notre faveur. À Toulon et au Portel, elles étaient vraiment pas bonnes et aujourd'hui, d'après ce que je vois, c'est le quatrième carton qui a pêché. Il faut qu'on soit meilleur sur les fins de match et sur les deuxièmes mi-temps. C'est pas un souci physique, je pense que c'est peut-être un petit manque de concentration. C'est difficile à dire. Peut-être aussi que l'adversaire augmente son niveau en deuxième mi-temps et on n'est pas prêt encore à réagir ensemble, parce qu'on défend tous ensemble et il faut se faire confiance du début à la fin. Donc voilà, sur quelques petites séquences, peut-être qu'on n'est pas encore assez rodé, mais on va travailler dur. Attention bien sûr à la suite du championnat. Et du côté de Paris, eh bien, Rémi Lesca avoue quand même, hein, qu'il a augmenté sa puissance en seconde période. 2 points, c'est rien du tout. C'est un panier d'un côté, un panier de l'autre. Je pense à 1 ou 2 paniers de Stephen Gray avec la planche ou comme ça. Et nous 2-3 shoots ouverts qu'on met pas. Puis voilà, on est dans le match. On a fait tout ce qu'il fallait. On gagne le match à l'évaluation 92-87. Donc ça prouve quand même des choses. Voilà, c'est frustrant, mais en même temps, on sait qu'on peut jouer les yeux dans les yeux avec une équipe comme Gravelines qui était revancharde après leur première défaite. On le savait, il y a eu un peu plus de réussite d'un côté et pas assez de l'autre. C'est une sacrée peur. J'irai pas jusque là. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on soit pas si loin, si tôt dans le match. Après, oui, ça prouve que l'équipe, elle a du coffre, elle a beaucoup de fierté et on a prouvé ce soir qu'on pouvait revenir, même ici à l'extérieur à Gravelines. C'est jamais évident. On les a fait douter. Ce soir, ça a tourné en leur faveur. Une autre fois dans la saison, ça tournera dans notre faveur. On n'a plus qu'à laisser patienter. Voilà donc un reportage signé Quentin. Gravelines vient se renforcer cette semaine avec l'arrivée de Richard Solomon, un jeune pivot de 24 ans à découvrir lors de la prochaine rencontre. Ce sera face à Élan Berne et de Pau. Ce sera samedi prochain. En Pro B, samedi prochain, bien l'SOMB reçoit Aix-Maurienne. Hier soir, eh bien Boulogne s'est incliné au Havre 85-77 en Leader Cup. Pas d'inquiétude hein, sur le SOMB était qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. Match de vérité samedi prochain, bien sûr, salle d'Anraymond. Toujours en basket, en National 3, ce samedi, Grande-Synthe eh bien, reçoit Paris-Levallois. Boulogne-UB accueille Amiens. Le leader Lonne-Plage reçoit Gravelines-Grandfort. Ardre, qui a signé une victoire la semaine dernière, se déplace à Bon Conseil. Geoffrey et l'entraîneur de Ardre, Fabien Desfachel. Bah avec tout le sérieux possible qu'on met à chaque début de match, mettre de l'engagement dès le début, pas se faire distancer. C'est une équipe très atypique, qui joue vite, qui ont des profils assez atypiques. Et donc il va falloir être prêt défensivement d'abord, puis après l'attaque, ça viendra par la suite. Oui, tout à fait. Déjà, c'était important de gagner pour lancer la saison. Après, pour se maintenir, on va avoir besoin de victoires. Et ça démarre par des victoires à la maison. Et puis, on espère enchaîner samedi prochain à Paris. Et voilà, Paris, bon conseil donc à suivre naturellement demain dans les Sport News. Et puis quelques autres rencontres en prénat. Saint-Martin-Boulogne eh bien reçoit Roncq, Blandec accueille Boulogne, Hasbrouck en tête du championnat se déplace à Comines. Du côté du Rink Hockey, ce soir encore une belle rencontre pour le Scra qui reçoit Mérignac. Les joueurs de Fabien Savreux devront rester concentrés et performants pour vaincre cette équipe qui a du potentiel. Saint-Omer eh bien reste pour l'instant invaincu, mais ce soir eh bien le Scra devra rester maître chez eux et montrer au public qu'ils veulent rester dans le haut de tableau, et c'est bien parti. Donc ne ratez pas ce coup d'envoi avec une grosse surprise ce soir au Brocus. En natation, eh bien, ce mercredi, premier meeting au Domarois, ce sera à Sénéo, dans la piscine bien sûr. Pour fêter ses 50 ans, le club des Dauphins Domarois eh bien, a invité le triple médaillé olympique Fabien Gillot, seul français à avoir obtenu 3 médailles avec 3 Olympiades. L'entrée est gratuite et il sera avec nous dans les Sport News dès demain. Le président sera également notre invité ce matin dans les Sports News. En volée, ce samedi à 18h30, l'équipe B reçoit LM. Et puis en handball, eh bien, en National 2, Hasbrouck se déplace à Nogent. Et en badminton, eh bien, le Volant Airois reçoit pour la première fois en championnat eh bien, Marron. Une grosse équipe, c'est des pros, hein, ce que vous le savez. Air Solalis eh bien, joue désormais dans l'élite du top 12. L'objectif du club est de se maintenir et de se montrer bien sûr dans le haut niveau face aux pros. Il faudra profiter du niveau de Marron ce soir. Romain Aster. Je pense que c'est l'adversaire le plus abordable dans cette poule. Voilà, maintenant on fait partie du top 12, donc c'est vraiment c'est de très belles équipes. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher la victoire pour la première à domicile. Ouais. Abordable, ça veut dire qu'il va falloir à tout prix gagner ce soir? Bah, on va essayer de se maintenir, donc oui, il faudra aller chercher la victoire. On sait qu'il y a des équipes qui sont intouchables dans cette poule, donc voilà, Marom n'en fait pas partie. On espère au moins aller chercher le match nul et pourquoi pas aller prendre 5 points pour aller prendre la victoire. Ouais. Alors, dans l'équipe de Marom, il y a de très très bons joueurs et des joueurs, on le sait, hein, comme tous les matchs de la saison, de très très très haut niveau. Ils ont le numéro 12 et le numéro 20 français, donc Romain Edeline et Antoine Debin. C'est des joueurs qui sont connus du circuit, donc voilà, on sait que c'est de très bon niveau et ça va être compliqué pour aller les chercher. Oui. Voilà donc, première page des Sport News. On se retrouve dans un instant, bien sûr, avec de nombreux invités. Premier invité ce matin, c'est Mathieu Laliot. Il va nous parler eh bien, des championnats d'Europe de kayak. C'est un événement à ne pas rater. Ce sera au mois d'août 2007. On prépare déjà naturellement et sera notre invité dans un instant. Bon week-end sur Énergie. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance, Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Salut, c'est Farouk Kabouche, champion régional de boxe. J'écoute les Sport News sur Energy. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. Just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you I did it my way, lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Behind bars. What started out as a simple altercation turns into a Avec nous dans les Sport News, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque week-end, en croire vos courriers et puis également vos téléphones. Et moi, je vous donne un rendez-vous dans un instant. Et c'est Mathieu Laliot qui viendra nous parler d'un événement. Il y aura lieu très très bientôt. Ce sera au mois d'août. Et c'est déjà, on le prépare déjà. Hein. C'est du kayak dans un instant. Il sera notre invité. Découvrez ce soir sur Énergie les hits les plus regardés sur YouTube en France. C'est le hit. C'est le hit Énergie. 17h, 19h, tous les samedis. Énergie vous diffuse les 30 hits les plus regardés en France sur YouTube. YouTube. Ah, c'est trop bien. Énergie. Chez Café Grand-Mère, la tribu, c'est sacré. D'ailleurs, Grand-Mère a une attention pour chacun. Des cas pour Lola, dosettes d'intensité variées pour les invités, dégustation arabica pour papa, ou paquet familial quand tout le monde est là. Grand-mère sait faire de bons cafés pour tous les gens que vous aimez. Avec grand-mère, un bon café, c'est aussi simple que ça. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Le smoky des défilés n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue ? À à l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. J'adore l'anniversaire King Jouet. Jusqu'à samedi, King Jouet fête son anniversaire. Le deuxième jouet est à moins 50%. Moins 50% sur le deuxième jouet? Oui, et en plus c'est sur tout le magasin. Allez vite, on y va. King King King Jouet. Offre valable du 5 au 8 octobre, voire conditions en magasin. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts pour le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toute fraîche, hein. Et il y en a 7, c'est le club des frais. 7 jolies peluches, des fruits et légumes trop mignons patron. Oui bon bah tu m'en dis plus, pas plus. Eh ben du 5 octobre au 29 novembre, par tranche de 10€ d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et au bout de 25, la peluche est à 99 centimes au lieu de 9,99€. C'est votre petit dernier qui va être content, hein. Là tu me lâches avec tes peluches, sinon ma peluche tu... Oui, je sais, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité complète de l'opération et liste des magasins participants sur lidl.fr/clubdesfrais. Penalty ? Oui, mais ici on ne distribue pas de carton rouge. Le Penalty, distributeur de toutes vos envies. Tabac, bar, loto, PMU. Le Penalty, c'est également votre agent officiel Western Union. Cava cigare, un grand choix de cigarettes électroniques et retransmission des matchs à la carte. Le Penalty, grand place à Saint-Omer. On parie que vous allez aimer. À l'occasion de la fête de la science, samedi 8 octobre à 20h, concert de jazz manouche au Penalty avec le groupe Paris Bohème et le concours d'Enerlia, la maison des énergies renouvelables. Salut, c'est Eric. Les 8 et 9 octobre, on se donne rendez-vous à Nord-en-Fonte pour la foire commerciale de la ville. Un truc de dingue, oui, ça se passe à Nord-en-Fonte à côté d'Air-sur-la-Lys et en plus, je vous fais gagner du cash. Ne manquez pas le rendez-vous ce week-end à Nord-en-Fonte, village en fête avec grande brocante, Ducasse, la foire artisanale et commerciale de 10h à 20h avec de nombreux lots à gagner, dont un chèque de 400€ et un chèque de 600€. L'entrée gratuite. Cuisine traditionnelle, nouvelle saveur ou grande table. Profitez de la semaine des chefs du 10 au 16 octobre pour pousser la porte de vos restaurants favoris ou découvrir de nouvelles adresses. Plus de 100 chefs de la Côte d'Opale, du pays de Saint-Omer et de la Flandre intérieure réveilleront vos papilles avec des menus attractifs à 18, 25 et 32€. Pour les plus impatients, certains restaurateurs joueront les avant-premières dès le vendredi 7 octobre. Réservez vite. Retrouvez les menus sur le site lasemainedeschefs-cci.fr. Cet événement gastronomique est organisé par la CCI Côte d'Opale et la CCI Grand Lille. Moi, pour garder la ligne, j'ai trouvé le sport qui me va bien. Bon, allez, je vous le dis, c'est Opal Form, mon centre de remise en forme. Voyez plutôt le résultat. Moi aussi, c'est Opal Form. Et à 19,90€ le premier mois, je m'en prive pas. Et oui, profitez en ce moment chez Opal Form d'un mois de sport à volonté à seulement 19,90€. Et ensuite, si vous parrainez vos amis, votre abonnement sera à 1€. Alors, on s'y retrouve ? Opal Form, ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 23h à Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Plus d'infos sur opalform.fr. Opal Form, le sport qui nous va bien. Voir conditions dans votre club. Énergie, premier supporter des Rouges et Blancs. 3-0 pour le Scra. Ce samedi 20h30, rendez-vous à la salle du Brocus de Saint-Omer pour un spectacle de très haut niveau. Ce week-end, retour au Brocus. Le Scra reçoit Mérignac, encore un match choc. Ensemble avec le Scra, vivons la passion du rink hockey. Avec les brasseries de Saint-Omer et Énergie, partenaire officiel du Scra. Avec le SOMB Vibré Basket, les Boulonnais vous attendent pour un nouveau match à Dan Raymond. C'est parti ! Début du championnat de Pro B ce samedi 15 octobre pour le SOMB avec la réception de l'équipe savoyarde d'Aix-Maurienne. Pour ce premier match de la saison, pas de faux départ possible. Achetez vos billets en ligne sur somb.fr. SOM Boulogne, unis pour la gagne. Elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a pris de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des bas. Et réaction à chaud dans les Sport News. Mathieu, bonjour. Salut JF. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. Avant de parler d'un événement important, on peut parler du site à Saint-Omer. On a un site de kayak polo qui est quand même formidable. Deux nouveaux terrains et puis deux anciens, mais ça fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, là on est vraiment sur un site de niveau international. Ouais. Bon, nous on a un sport amateur, donc on ne peut pas parler de pro, mais voilà, d'envergure internationale. Qui a été construit à l'occasion des championnats d'Europe qui se dérouleront du 21 au 27 août 2017. C'est un événement important pour Saint-Omer ? Ah bah c'est un événement très important, on a hâte de relever le défi, ce sera la première fois qu'on accueillera un événement de cette ampleur, donc ouais, on a hâte d'y être. Combien d'athlètes viendront et de quel pays, de quelle région française et de quel pays étranger ? Il y aura environ 400 sportifs qui viendront de 20 nations européennes. Ça ira de la Russie au pays du Nord jusqu'à l'Espagne, Portugal. Enfin, voilà. Alors toi, tu es bien sûr un champion du monde de kayak polo. Tu as envie que Saint-Omer devienne encore plus important que kayak polo, que soit comme les villes en Normandie, comme Saint-Omer devienne justement aller un endroit où on parle de kayak polo. Bon bah voilà, maintenant on a le site de référence, on peut considérer que maintenant les équipes du club tournent pas trop mal au niveau national, donc voilà, on espère que ça va faire beaucoup de bruit en août cette année, et puis pourquoi pas réussir à organiser un championnat du monde dans les prochaines années également à Saint-Omer. Alors à Saint-Omer, on a tout pour accueillir, tous les athlètes, les hôtels, dans tout ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut. On avait déjà travaillé dessus dans le cadre de notre candidature pour pouvoir répondre au cahier des charges assez exhaustif sur la restauration, sur l'hébergement et voilà, sur les normes sportives également. Quelles sont les grosses équipes qui pourraient venir ici et qui pourraient s'inscrire justement à ce championnat? Bah, les grosses équipes, on les connaît. Hein. Il y aura l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Ça, c'est le carré magique. Après, voilà, il y aura l'Europe de l'Est qui progresse chaque année. Je pense à la Pologne, les Danois qui année après année aussi refont leur retard. Donc voilà, il y aura du gros niveau. Est-ce qu'il y aura des athlètes de Saint-Omer, du club de Haut-de-Marois? On peut espérer, un athlète dans la catégorie moins de 21, Geoffrey Laurence, donc qui a participé cette année au championnat du monde qui avait eu lieu à Syracuse en Sicile et qui aura encore l'âge de jouer dans cette catégorie. Donc voilà, à minima un athlète, et puis on espère qu'il y aura un ou deux athlètes qui vont réussir à percer cette année pour intégrer les équipes de France. Mathieu Ladieu après sa retraite? Oui, j'ai repris ma retraite. Et maintenant tu es dans l'événementiel. Voilà, c'est ça. Mathieu, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. On rappelle les dates peut-être. Donc les championnats d'Europe, du 21 août au 27 août 2017. C'est noté, merci à vous. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Bon week-end, merci Mathieu. Merci. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. The room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Energy. Salut à tous, c'est François Brouard, joueur de Saint-Quentin-Blessis, et j'écoute les Sport News sur Energy. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Et merci d'être avec nous dans les Sport News, 10h40, dans un instant, retour à la musique et puis nous allons partir dans un instant sur la route. On va parler cyclisme avec Philippe Taquet qui est notre invité. Après Boulogne-sur-Mer, eh bien Saint-Omer a été choisi pour le championnat de France de cyclisme sur route. Ce sera bientôt, très bientôt. Pourquoi Énergie est toujours votre radio préférée? Parce que Manu à 6h. Je te double ton salaire, Mario. Oh, merci. Tu me mets en forme pour la journée. Parce que Koé à 19h. Mais vous êtes qui, monsieur? Devine qui c'est. T'emmerde. Oh. Parce que Guillaume à 22h. On va jouer au petit bac. Il faut trouver un fruit avec un U. Oh, l'usu. Oui. Parce que tous les hits. Ici. C'est Énergie. Intersport. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, le VTT Nakamura Complete 700C est à 899,99€ au lieu de 1499,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le radiateur rayonnant NF 1000 watts de marque Airelec est à seulement 71,90€ au lieu de 79,90€. Offre valable du 7 au 18 octobre, existe en 1500 et 2000 watts. Plus d'infos sur Bricoman.fr. Bénéficiez d'avantages exclusifs spécial pro avec la carte Premium Pro disponible en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est râpé. Comment ça fait râpé? Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, ils font sachet de 2 kilos de carottes à 99 centimes. Oh, purée. Ah, ça, on peut le dire, patron. Et Origine France, ça fait moins de 50 centimes le kilo, quand même. Oh, tu m'as arrêté, oui. Désolé, mais là, pour nous, les carottes, ben... Ah, elles sont cuites. Je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 25-45, variété nantaise, 50 centimes le kilo, Origine France. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 23 octobre, découvrez les journées soins visage Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins, profitez d'un diagnostic personnalisé et de 7 jours d'essai offerts. Les journées soins visage vous attendent dans les 670 magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Yves Rocher. Attention. Maintenant, and now, sur Énergie. Sur Énergie. Sport News. Vous êtes la meilleure radio de France, je vous aime. Hit. Only. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, and that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que oui, oui. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one day. Quedarme contigo hasta el amanecer. JF, le seul sportif sur le podium. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus Denis mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du il est chaud. Les arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On est dans sa folie. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris. Avec Pédic, Dadju et Darcy. Hey! News Energy, notre invité du week-end. Philippe Taquet est notre invité ce matin. Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans l'émission. On se retrouve parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus un projet, ça va se réaliser, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'on peut parler de cet événement? Parce qu'on peut en parler, vous êtes le roi des événements. Oui, ben c'est le championnat de France sur route professionnel qui se déroulera à Saint-Omer du 22 au 25 juin. Quand on dit un événement, c'est vraiment beaucoup de coureurs qui viendront participer. C'est quelque chose d'important dans le milieu du cyclisme. Dans le cyclisme, c'est un des plus grands événements. Derrière le Tour de France et Paris-Roubaix, c'est le championnat de France qui est vraiment l'événement national qui fait déplacer tous les amateurs de cyclisme et qui est suivi tous les ans par tous les téléspectateurs. Alors, il y a quelques années, Boulogne a été allé dans l'événementiel. Cette fois-ci, c'est Saint-Omer. Pourquoi Saint-Omer et Boulogne l'a choisi deux fois ? Boulogne l'a fait deux fois, parce que la première fois, c'était pour le coup d'essai, le commettre. Ensuite, ils se sont postulés une deuxième fois, puisqu'il avait quand même financièrement un retour d'investissement qui était de 1 à 10 ou de 1 à 6, comme on... suivant les villes. Et ensuite, il y a aussi Saint-Amand-les-Eaux qui était preneur il y a quelques années. Donc un événement, et le cyclisme est roi dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Saint-Omer a été choisi d'abord pour la bonne réussite du championnat de France de l'avenir, qui a laissé un bon souvenir de tout le monde. Ensuite, il ne faut pas le cacher, parce qu'on a de très bonnes relations avec la fédération, David l'appartient. Et aussi, c'est une volonté de la municipalité, puisque généralement, ça marque les esprits. Tout le monde retient la ville organisatrice. Et puis, du fait, je vous dis, l'excellent résultat, et moi je suis toujours sur toutes les épreuves nationales, tout le monde a un très bon souvenir de Saint-Omer. On peut parler du Vélodrome, il y aura quelques arrivées au Vélodrome, on a envie de remettre en valeur le Vélodrome. Alors oui, c'est une première dans le contre-la-montre professionnel, il y aura l'arrivée sur le contre-la-montre. Aujourd'hui c'est validé de toutes parts, les élus, la fédération qui est demandeur. On est encore revenu la semaine dernière pour vérifier exactement la faisabilité. C'est faisable. Le dernier petit grain de sable qu'il pourrait y avoir, c'est la télévision, puisque la contre-la-montre va être retransmis intégralement. Par expérience, avec déjà les référents de la fédération qui sont venus, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, on va inciter les gens qui vont partir en vacances fin juin de retarder d'une semaine et de partir début juillet, parce que ça va se dérouler fin juin. Oui, fin juin, c'est une semaine avant le Tour de France. C'est un championnat qui se déroule dans chaque pays. Les championnats nationaux sont à date fixe. Une semaine avant le Tour de France, et ça monopolise beaucoup de monde. Philippe, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. On se rappelle naturellement des bons moments de la course aventure et de l'avenir il y a quelques années. Et puis cette fois-ci, ça y est, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à se remonter, à retrousser les manches et puis à taper une dac, on va dire. Exactement. Merci à vous. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Merci Philippe. Voilà, merci. Pop, R&B, Dance, Kitsch, NRJ, numéro 1 sur les nouveaux hits. Jonas Blue. Baby, we don't need no reason. Guns in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. The Strong Bellas. Guns in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Salut, c'est Florent Crespe, défenseur central de l'ES Arc. J'écoute les Sport News sur NRJ. Yeah. à l'heure, il est 11h. Les Sport News, toute l'actu sportive sur Énergie. Et merci d'être avec nous, seconde partie. Sport News. Et on commence à cette seconde partie des Sport News par du football. Et ce dimanche, eh bien, c'est samedi également, hein. Cinquième tour de la Coupe de France. Au programme, eh bien, de belles rencontres ce samedi. Tout d'abord, eh bien, Béthune reçoit Hannequin. Hasbrouck sera face à Dunkerque. Un beau derby à suivre, un beau duel d'ordistes. On se souvient également des beaux derbys entre Arc et Saint-Omer dans les années 80. 3000, 2000, 3000 personnes, eh bien, lors de la Ducasse faisaient le déplacement pour ce grand derby. Eh bien, on va remettre ça. Avec bien sûr la Coupe de France, ce sera tout à l'heure. Et Arc, eh bien, va recevoir l'USSO. Trois divisions d'écart séparent les deux équipes. Mais en Coupe de France, bien sûr, tout est possible. Pas de pression particulière pour Florian Krebs de l'US Arc. Non, c'est un match de Coupe de France. Après, il faut qu'on ait la réussite et après les faire douter. On verra bien, c'est des bons joueurs. Nous aussi, on a notre bateau à jouer. On va jouer avec notre cœur. On a deux jambes, deux pieds comme eux, une tête. Alors, ce qui fera la différence, c'est, je pense, le mental. Alors, tu connais bien la Coupe de France, hein, puisqu'il y a eu de beaux exploits en Coupe de France. Est-ce que tu as gardé un souvenir particulier d'une Coupe de France ? J'en ai gardé plusieurs. J'ai fait plusieurs 32e de finale. Donc, mon premier contre Nantes, quand je jouais à Cournon. J'ai joué contre Toulalan. Donc, c'est des bons souvenirs. Mais après, en tant que petit club, j'ai un bon souvenir quand l'année dernière on a éliminé le Havre. Mmh. C'est des super souvenirs, quoi. Chaque match de coupe a son charme. Ils sont tous différents. L'année dernière, on a failli perdre avec l'US Saint-Omer à Niel-les-Blequins. Il faut pas l'oublier. Quand on regarde le parcours de l'Ombre, l'année dernière aussi, ils ont éliminé Gravelines. Donc c'est à nous de faire les titres de la presse. Et ce sera bien sûr ce soir 19h donc à Arc au terrain de football pour voir cette belle rencontre. Arc, attention, a des ambitions pour le championnat. Stéphane Marquilly de l'ES Arc. Ah oui, on a un potentiel pour cette année, pourquoi pas jouer la montée. Après, comme je vous ai dit, on verra bien au fil de la saison. Hein. On ne sait jamais, des blessures ou... Aucune pression pour toi pour tout à l'heure ? Non, du tout, du tout. Et il y aura du monde. Et il y aura du monde et il faudra venir nombreux. Nous encourager. Tu as déjà joué une coupe ? Tu as déjà rencontré oui, bah la coupe. Première. Et un souvenir comme Flo tout à l'heure, un souvenir particulier. La deuxième année de l'ESR, quand je suis arrivé, la deuxième année, on a joué en cinquième tour contre Ankelemine. On s'est fait sortir à dernière minute, on va dire. C'est ça le mystère de la coupe, c'est-à-dire qu'une petite équipe peut battre une grosse. C'est ça, oui. Donc. Et c'est la Coupe de France. Et c'est la Coupe de France. Merci à toi. Et puis rendez-vous ce soir, c'est à Arc, naturellement, gros derby. À mon avis, il y aura beaucoup de monde. Oui, merci Jeff. Merci à toi. Voilà donc Stéphane Marquilly qui sera bien sûr sur le terrain et on attend naturellement beaucoup de monde ce soir 19h, ce sera à Arc. On poursuit toujours en football et en Coupe de France. Et bien demain, une autre rencontre à suivre, Rec-sur-M qui écrit son histoire en recevant Beuvry-Laforêt dans le premier naturellement tour. Et bien les joueurs de Vincent de Lanel et bien ont montré leur envie bien sûr de suivre ce rendez-vous donc et de naturellement la coupe, aussi bien bien sûr en championnat qu'en coupe. On retrouve eh bien, l'entraîneur de Rec-sur-M pour un bel exploit et bel exploit de son équipe également. Bon, déjà on peut expliquer un succès par un travail qui a débuté l'année dernière, en plus avec des joueurs qui sont motivés et qui s'investissent dans tout le club, aussi bien au niveau des jeunes, aussi bien au niveau des travaux de réfection, et que sur le terrain, parce qu'ils arrivent avec le même état d'esprit, à savoir respecter le maillot et l'ensemble du club qui les soutient. Alors si vous remportez le match de demain, est-ce qu'il y a des équipes qui vous font un petit peu peur dans la Coupe de France ? Non, parce que à ce niveau-là, ce n'est que du bonheur, hein, surtout pour une équipe de notre division. Nous sommes la dernière équipe, comme vous l'avez précisé avant, du district Côte d'Opale. Nous aimerions rencontrer un gros, hein, mais sachant que Beuvry reste une très belle équipe de ligue que nous l'ont respectée, hein, puisqu'ils sont aussi dans une spirale positive actuellement, on va tout faire pour s'en sortir et puis faire quelque chose de correct et respecter nos valeurs. Quels sont les joueurs clés de votre équipe qui sont susceptibles de vous faire gagner demain ? Les joueurs clés, c'est quand ils sont unis, hein, comme ils l'ont fait contre Esquelbecq. En fait, ils ne faisaient qu'un. Voilà. Et à partir du moment où on est unis, il y a une telle unité, ça se ressent dans la motivation, dans la conservation, dans la combativité. Je ne peux pas citer un joueur particulier. Contre Esquelbecq, on a créé l'exploit parce qu'on ne faisait qu'un. Voilà, rendez-vous demain donc en coupe pour l'équipe de Rec-sur-M. C'était bien sûr l'entraîneur Vincent Delanel au micro de Quentin. Toujours en football, hein, ce sera bien sûr les autres rencontres à suivre demain dans les Sport News. Il y aura bien sûr plein de rencontres de coupe. Toujours en foot, donc, et du côté des filles, bien, l'équipe féminine de l'USSO reçoit demain en Coupe de France à Arc à 10h30. Ce sera Douai en futsal, victoire de Saint-Omer Futsal face à Coudekerk 8-4. C'était cette semaine. Victoire également de l'équipe B par forfait à Outreau. En basket et en Pro A, eh bien le SSM s'est imposé hier soir face au Mans sur le score de 81-75. Le Portel remporte sa première victoire de la saison, une victoire méritée pour le Portel qui n'a perdu que 9 balles et a signé 22 passes décisives. Un bel exploit donc hier au chaudron du Portel. Et en levée de rideau, eh bien victoire des espoirs toujours du Portel 71-69. Le BCM eh bien se déplace à Dijon, ce sera lundi. Gravelines qui a signé eh bien lundi dernier une courte victoire face à Paris Levallois sur le score de 81-79. Il faudra revoir certaines choses pour le BCM à Ronsel. Il faut être prêt, il faut se faire confiance du début à la fin. Donc voilà, sur quelques petites séquences, peut-être qu'on n'est pas encore assez rodé, mais on va travailler dur pour que ça aille mieux. Mais il n'y a pas de tragédie, je pense que c'est à la fin. Tout simplement en défense, on laisse un peu trop de shoot ouverts, on se disperse un peu trop et ça leur donne justement ces shoot ouverts. Donc c'est là où on pêche un peu à mon avis. Si on solidifie notre défense, je pense qu'on peut finir un peu plus relax. Et on verra bien, ce sera face à Pau prochainement, naturellement. Et puis Gravelines s'est renforcée cette semaine avec l'arrivée de Richard Solomon, jeune pivot de 24 ans, à découvrir lors de cette rencontre. Ce sera bien sûr salle dans Raymond et ce sera samedi prochain. En Pro B, eh bien samedi prochain, l'SEMB reçoit Aix-Maurienne pour le premier match de la saison. Et Boulogne eh bien s'est incliné au Havre 85-77, c'était hier soir en Leader Cup. Pas d'inquiétude hein, car l'SEMB est déjà qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. En basket toujours, en National 3, ce samedi, Grande-Synthe eh bien, reçoit Paris-Levallois, Boulogne-Bay accueille Amiens, le leader Lonne-Plage reçoit Gravelines-Grandfort, Ardre qui a signé une victoire la semaine dernière eh bien, se déplace à Bon-Conseil. Et puis, bien sûr, résultat de ces rendez-vous demain dans les Sport News, quelques rencontres en Prénat, Saint-Martin-Boulogne reçoit Roncq, Blandec accueille Boulogne, Hasbrouck en tête du championnat se déplace à Comines. En Ring Hockey, eh bien, ce soir, encore une belle rencontre pour le Scra qui reçoit Mérignac. Les joueurs de Fabien Savreux eh bien, devront rester concentrés et performants hein, pour vaincre cette équipe qui a du potentiel. Saint-Omer reste pour l'instant eh bien, invaincu car ce soir eh bien, le Scra devra rester maître chez eux et montrer eh bien, au public qu'ils veulent rester dans le haut de tableau et sur le podium bien sûr. Et à mon avis c'est bien parti avec une bonne équipe cette saison. Ne ratez pas le coup d'envoi, il y a une grosse surprise, ce sera ce soir pour le coup d'envoi. En natation, eh bien, ce week-end, premier meeting au Domarois, ce sera dans la piscine de Sénéo pour fêter ses 50 ans. Le club des dauphins Domarois eh bien, a invité le triple médaillé olympique Fabien Gillot, seul français à avoir obtenu 3 médailles avec 3 olympiades. L'entrée est gratuite. Le président sera avec nous tout à l'heure à 11h30 et Fabien Gillot sera également notre invité demain dans les Sport News. On poursuit avec du badminton. Le volant Airois eh bien, reçoit pour la première fois au championnat Maronne. C'est ce premier match naturellement. Ersolalis eh bien, joue désormais avec l'élite du top 12. Ce sera un beau rendez-vous tout à l'heure. Un bon niveau pour le bad de Ersolalis qui joue désormais avec les pros Romain Aster. Parce que oui, c'est une belle surprise d'en être arrivé là puisque l'an dernier, on a joué les barrages pour monter. On pensait vraiment pas y arriver, mais on a fait l'exploit. Donc voilà, maintenant à nous d'assumer, mais pourquoi pas aller chercher une ou deux victoires qui pourraient nous sauver en fin de saison, oui. Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel du côté de Ersolalis, du côté des joueurs naturellement, pour battre les meilleurs de France? On a Louis et Maxime qui sont deux jeunes en équipe de France. Après, on a notre filière belge avec les filles, Flore, Lise, Stéphie. Voilà, c'est vraiment le meilleur niveau belge. Donc voilà, on a des bonnes armes pour pouvoir lutter et espérer se maintenir, oui. Donc ce soir, tout est possible. Tout est possible. On attend du monde pour venir nous encourager, mais c'est faisable. Et voilà, c'est noté. Donc R Maron, ce sera à 17h et toujours en bas, dans 14h, l'équipe B sera face à la Bassée. Merci d'écouter les Sports News. Le président du club de natation de Saint-Omer, des Dauphins de Marois, sera notre invité à 11h30. Et on va parler naturellement, eh bien, Jeux Olympiques, puisque c'est un grand rendez-vous pour les 50 ans du club. Merci d'écouter les Sports News. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance, Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Bonjour, c'est Abdoulaye Loum, poste 4 du SOMB, et j'écoute Sport News sur NRJ. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let do it all in the name of love? Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Minutes de Hit à la suite. C'est que vous êtes sur énergie. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Merci d'être avec nous dans les Sport News. 11h21, c'est pas fini. On termine à 12h l'émission. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver le président des Dauphins, Audomarois. On va parler d'un meeting. C'est le premier. Ça a lieu ce week-end à la piscine de Sénéo. Et avec un invité de marque, c'est Fabien Gillot, 3 fois médaillé olympique. Il est avec eux, naturellement, tout le week-end. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec 2 hits de Lady Gaga à la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937 et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance, ici c'est Energy. La technologie pour Darty, c'est avoir une télé aussi interactive que son smartphone grâce à sa box internet et les applications Android TV. Et ça pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. La B-Box Miami de Bouygues Télécom, avec tous les services exclusifs Darty, est à prix anniversaire jusqu'au 31 octobre. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€ pour tout nouvel abonnement. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchés en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle fait partie de communauté, fait son jogging avec une application, aime les cafés avec des petits dessins sur la mousse, fait attention à son budget, photographie tous ses plats, elle trie, recycle, elle pense à la planète. Et Marie sait que pour tout ça, Boulanger l'accompagne au quotidien. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques jusqu'au 23 octobre. C'est bon pour vous, bon pour la planète, bon pour Marie en somme. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Carrefour. Val, tu sais qu'en ce moment, c'est la foire au vin chez Carrefour. Oh, tu fais bien d'en parler. On a 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. Ah oui ? Et en plus, tu peux découvrir la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Mais toi aussi, t'es la meilleure. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, profitez de 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. 60 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches, hein. Et il y en a 7, c'est le club des frais. 7 jolies peluches, des fruits et légumes trop mignons patron. Oui bon bah tu m'en dis plus, plus. Eh ben du 5 octobre au 29 novembre, par tranche de 10€ d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et au bout de 25, la peluche est à 99 centimes au lieu de 9,99€. C'est votre petit dernier qui va être content, hein. Là tu me lâches avec tes peluches, sinon ma peluche tu... Oui, je sais, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité complète de l'opération et liste des magasins participants sur lidl.fr/clubdesfrais. Penalty ? Oui, mais ici on ne distribue pas de carton rouge. Le Penalty, distributeur de toutes vos envies. Tabac, bar, loto, PMU. Le Penalty, c'est également votre agent officiel Western Union. Cave à cigares, un grand choix de cigarettes électroniques et retransmission des matchs à la carte. Le Penalty, grand place à Saint-Omer. On parie que vous allez aimer. À l'occasion de la fête de la science, samedi 8 octobre à 20h, concert de jazz manouche au Penalty avec le groupe Paris Bohème et le concours d'Enerlia, la maison des énergies renouvelables. Salut, c'est Eric. Les 8 et 9 octobre, on se donne rendez-vous à Noronfonde pour la foire commerciale de la ville. Un truc de dingue, oui, ça se passe à Noronfonde, à côté d'Air sur la Lys. Et en plus, je vous fais gagner du cash. Ne manquez pas le rendez-vous ce week-end à Noronfonde. Village en fête, avec grande brocante, Ducasse, la foire artisanale et commerciale de 10h à 20h, avec de nombreux lots à gagner, dont un chèque de 400€ et un chèque de 600€. L'entrée est gratuite. Cuisine traditionnelle, nouvelle saveur ou grande table. Profitez de la semaine des chefs du 10 au 16 octobre pour pousser la porte de vos restaurants favoris ou découvrir de nouvelles adresses. Plus de 100 chefs de la Côte d'Opale, du pays de Saint-Omer et de la Flandre intérieure réveilleront vos papilles avec des menus attractifs à 18, 25 et 32€. Pour les plus impatients, certains restaurateurs joueront les avant-premières dès le vendredi 7 octobre. Réservez vite. Retrouvez les menus sur le site lasemainedeschefs-cci.fr. Cet événement gastronomique est organisée par la CCI Côte d'Opale et la CCI Grand Lille. Moi, pour garder la ligne, j'ai trouvé le sport qui me va bien.

un anniversaire, ce meeting. Oui, tout à fait. On a mis en place le premier meeting de l'Ordre de Marois pour être en corrélation avec les 50 ans du club, puisque le club a été mis en sous-préfecture. En fait, le dossier était rentré en sous-préfecture de Saint-Omer le 28 octobre 1966. Donc nous avons notre meeting le 8 et 9 octobre 2016, donc à quelques jours près, nous sommes bien à 50 ans d'anniversaire. Vous ne les faites pas. Merci. Alors justement, c'est quoi un meeting dans un club? Est-ce qu'on peut dire que c'est une compète? Oui, c'est tout à fait une compète, sauf qu'un meeting c'est organisé par le club lui-même. Une compétition peut être une compétition nationale, régionale, départementale, donc organisée par les fédérations françaises de natation, fédération départementale, fédération régionale. Le meeting est lui organisé uniquement par le club et est géré par le club. Voilà. Combien de nageurs vont aller battre un record, j'espère, en tout cas pour eux? Battre un record, je ne sais pas, on attend plus ou moins 200 nageurs, c'est pas énorme, mais c'est la première fois donc, qu'on met ce meeting en place, donc il est méconnu, donc il faut apprendre à le connaître, et bien souvent la première fois on essuie les plâtres, donc on espère quand même les prochaines fois, puisque premier meeting en amène un deuxième, troisième, voire un centième, hein, pourquoi pas, deux fois 50 égale 100, et donc voilà, les records, on ne le sait jamais trop à l'avance, hein. Peut-être que Fabien Gilliot qui va être invité, l'invité exceptionnel, je dirais, de le cadeau d'anniversaire pour nos nageurs de ce week-end, va nous faire un record quelque part, mais ça, voilà, cadeau. On l'espère en tout cas, ce sera dans la piscine de Sénéo. Combien dans votre club, combien de nageurs adhèrent votre club? De nageurs, nous, on est un club de compétition, mais on est aussi un club où on prend les enfants à partir de 4 ans. Donc ce ne sont pas des bébés nageurs, ce sont ce qu'on appelle des mini-dauphins qui sont amenés à évoluer vers l'école de natation, l'ENF, et après, s'ils le désirent, entrer en compétition. Donc en compétiteur, je dirais pur, on doit en avoir avec les nouveaux adhérents, maintenant 80-90. Alors, notre champion olympique a accepté tout de suite de venir dans la région. Oui, ça fait bien un bon moment qu'on avait cette idée-là. Donc on a eu, je dirais, un panel entre guillemets de vedettes, puisque c'est quand même des personnes qui sont suivies par des agents, tout comme les chanteurs, et donc qui sont en promotion, qui sont en prospection, qui sont en tournée, hein, hors meeting ou hors compétition à laquelle eux ils font. Bon, savoir que Fabien Gilliot est quand même lui en fin de carrière, donc il arrête sa carrière. Il a arrêté sa carrière en gros après les Jeux Olympiques ici de Rio, où il a quand même été médaille d'argent. Bien sûr. Hein, au relais 4x100. Et Fasul, oui, parce que si vous voulez, un de ses agents est un ancien entraîneur du club des Dauphins de Saint-Omer. Donc quelque part, on a eu cette petite facilité. On aurait aimé pouvoir avoir aussi Jérémy Stravius, mais ça a duré trop longtemps avant qu'on puisse en avoir la certitude. Donc on a laissé tomber ce côté-là. Et le président, votre président, naturellement, de la Fédé, est également habitant de la région. C'est un Dunkerquois, mais qui ne pourra malheureusement pas être présent ce week-end parce qu'il a aussi des obligations sur Paris, donc il a fait déléguer le trésorier de la fédération, mais lui ne sera pas présent. Pour terminer, on rappelle, c'est un événement, c'est un bel événement, donc oui, ce premier meeting, et on aura d'autres, on est certain. Bien sûr, et c'est un événement, il faut savoir aussi que c'est totalement gratuit au niveau de l'entrée, donc tout le monde est bienvenu, hein, grand, petit, les enfants qui veulent ou qui ont envie ou qui ont fait de la natation et qui veulent voir vraiment ce que c'est qu'une vraie compétition avec des officiels de la fédération et avec un champion sur les bords du bassin, c'est le moment de venir voir et d'attraper le coup de cœur. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être passé en émission ce matin. On rappelle, c'est ce week-end, c'est un beau rendez-vous de nage. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt. Merci à vous, merci. Tout de suite retour à la musique sur NRJ. Bon week-end, merci d'être avec nous dans les Sport News. Salut, c'est Gaël Kerin, champion du décathlon. J'écoute les Sport News sur NRJ. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin raconter mon histoire, ni les espoirs qu'on se partage. Moi sans vous, quelqu'un parmi la foule, une vie sans plus, une vie de plus qui se déroule. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce qu'on n'est rien? On est rien. On est rien. On est rien. Les uns sans les autres. Parce qu'on est rien. On est rien. On est rien. On est rien. Les uns sans les autres. Les uns sans les autres. On est là debout réunis. Je suis là par la vie. On est là pour nous, c'était dit. Je suis là par vous. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. To me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American, for sure. Told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. To me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola,

Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court. Court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts. Avouer, à demi-mot pardonner. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Midi, le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi les Sport News avec nous. Naturellement, rendez-vous demain, 10h-12h, les rendez-vous du week-end naturellement. Ce soir, le derby Arc reçoit Saint-Omer Coupe de France. Match important pour terminer l'émission. Avec nous ce matin, eh bien, c'est Sébastien Van Der Merch, le gardien de l'équipe d'Arc. Salut Sébastien. Salut. Merci d'être avec nous dans les Sport News pour terminer l'émission. Match important de coupe. Toi, tu as connu les grandes époques de Saint-Omer, Arc. Oui, les grandes époques. T'es encore jeune. Oui. J'étais plus jeune. J'ai connu les par la presse et par les infos qu'il y avait dans le Domarois. Mais j'y ai pas participé au grand derby d'antan. Alors, tu les connais au moins. Tu as entendu parler. Oui. Rendez-vous donc naturellement ce soir. Ce sera un match particulier pour toi. Toi qui as joué à Saint-Omer, tout comme Florian, comme Christophe Carnet. Oui, c'est toujours particulier parce que bon, on va retrouver des personnes que l'on connaît sur le terrain, en dehors du terrain. Mais avant tout, je pense que c'est un derby et puis ça va attirer du monde. On entend parler énormément de ça depuis le début de la semaine, enfin depuis le tirage. Maintenant, bon, ça reste un match de coupe, donc on sait qu'on n'est pas favori, mais. C'est le charme de la coupe qui fait des fois que le petit l'emporte sur le plus gros. C'est la coupe de France. Alors, tu connais bien naturellement l'équipe d'Arc. Est-ce qu'il y a un jeu particulier que Saint-Omer devra se méfier, sans tout dévoiler naturellement? Non, nous on va jouer comme on fait d'habitude, sans vraiment changer notre dispositif. Et puis, on va bien sûr tout donner pour essayer de créer la surprise. très satisfait des recrues. Tout à l'heure, Florian était avec nous. Il y a également Stéphane, qui a été un ancien naturellement. Christophe également. Parce que vous avez des ambitions. Vous n'avez pas été chercher des joueurs de Saint-Omer sans ambition. On a toujours des ambitions. Autrement, c'est pas, on est des compétiteurs en fin de compte. On joue, on rentre sur le terrain le dimanche pour gagner. Donc les ambitions, elles viennent naturellement avec les résultats. On est tous ambitieux. Et concernant les recrues, Christophe et Flo, c'est que bénéfique pour le club et pour l'équipe. Ils apportent leur expérience, leur vécu. Je pense que pour tout le groupe, on sent déjà que c'est important d'avoir ces deux joueurs-là parmi nous. Le gardien aura un rôle particulier tout à l'heure, d'entraîner également les joueurs, de crier comme certains gardiens. Tu as de la voix encore ? Ouais, j'ai encore un peu de voix qui me reste. Mais non, bah, un rôle particulier comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais faire mon match comme je joue d'habitude. Maintenant, je joue plus, on va dire, avec l'expérience. Mais non, on va rassurer tout le groupe pour pas qu'ils se mettent une pression inutile. Puis on va tout donner, comme j'ai dit, pour déjà essayer de produire un bon match, faire plaisir aux gens qui nous supportent. Tous les week-ends et qui seront encore là nombreux pour nous voir. Et pour ceux qui connaissent pas ou connaissent très peu l'équipe d'Arc, les inciter à revenir nous voir jouer. Sébastien, merci beaucoup d'être passé dans l'émission ce matin. On rappelle les horaires de la rencontre, c'est tout à l'heure. 19h. Voilà, rendez-vous donc important pour cette rencontre. Et puis, naturellement, on espère que tu auras également quelques larmes que j'ai vues. À Saint-Omer et que ce sont des larmes de joie. Ouais, j'espère également. Non. Merci à toi. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. On viendra naturellement demain sur l'événement. Et puis, sachez également qu'on parlera BAD. Et puis, demain, dans les Sports News, eh bien, notre invité, Fabien Gillot, qui a été 3 fois médaillé de natation, sera notre invité également dans les Sports News. Merci et à demain. Merci Seb, retour bien sûr à la musique, c'est Lilian qui arrive à 12h, merci Quentin pour la réalisation de l'émission, rendez-vous demain 10h-12h avec encore une fois autour de notre plateau beaucoup beaucoup beaucoup d'invités. Black M arrive sur NRJ. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Aski, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Aski, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Aski, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show, j'en fais. Tous. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zerma mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Ça met le forum sur Bouska. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Tout bab. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non mais ce je ne suis pas un loupard. Mais Dawa dis-leur que quand on tire on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. Je sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. On dit que je suis dans ma folie. Oh, oh. Oui, on dit Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Energy. Il est midi. Je m'appelle Lilian, bon week-end avec énergie et plus de 40 minutes de hit à la suite qui se poursuivent. Voici Justin, Nozuka et Boosty. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Sommeil, veux que tu vives dans un monde sans soleil. Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Plus de 40 minutes et rien d'autre que des hits. C'est énergie. There's something in your eyes. Is everything alright? You look up to the sky. You